Une nuit que j'étais près d'une affreuse juive, comme au long d'un cadavre, étendu, je me pris à songer, près de ce corps vendu, à la triste beauté dont mon désir se prive. Je me représentai sa majesté native, son regard de vigueur et de grâces armées, ses cheveux qui lui font un casque parfumé, et dont le souvenir pour l'amour me ravive. Car j'eusse avec ferveur baisé ton noble corps, et depuis tes pieds frais jusqu'à tes noires tresses, déroulé le trésor des profondes caresses, si, quelque soir d'un pleur obtenu sans effort, tu pouvais seulement, ô reine des cruelles, obscurcir la splendeur de tes froides prunelles.